Dites-moi ce qu'il faut faire quand on aime deux filles à la fois. Dites-moi s'il faut se taire en se disant ça passera. Dites-le-moi car je divague, écartelé entre deux femmes. Maintenant j'ai du vague à l'âme et je n'ai plus ma tête à moi. Oh, vous pouvez en rire, en crever de rire, vous pouvez même vous foutre de moi. Une blonde, une brune, la même fortune, j'ai beau essayer, je ne peux pas ni les oublier, ni même m'en passer. Comment suis-je arrivé là? Dites-moi ce qu'il faut faire quand on aime deux filles à la fois. Oh, dites-moi s'il faut se taire en se disant ça passera. Dites-le-moi car je divague, écartelé entre deux femmes. Maintenant j'ai du vague à l'âme et je n'ai plus ma tête à moi. Elles me font gémir et quelquefois mourir, mais c'est le plaisir à chaque fois. Je les aime ensemble, je ne peux attendre, il me faut l'une et l'autre à la fois. L'amour solitaire, je ne peux m'y faire, j'ai plus assez de mes 10 doigts. Dites-moi ce qu'il faut faire quand on aime deux filles à la fois. Dites-moi s'il faut se taire en se disant ça passera. Dites-le-moi car je divague, écartelé entre deux femmes. Maintenant j'ai du vague à l'âme et je n'ai plus ma tête à moi. Et dire que j'étais presque misogyne, peut-être beau parleur mais pas facile. Et dire que maintenant j'en ai deux sur les bras. Oh, dites-moi ce qu'il faut faire quand on aime deux filles à la fois. Oui, dites-moi s'il faut se taire en se disant ça passera. Dites-le-moi car je divague, écartelé entre deux femmes. Maintenant j'ai du vague à l'âme et je n'ai plus ma tête à moi.